Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans votre 81e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur Archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines à la même heure sur votre radio favorite. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos messages et dédicaces que vous me laissez chaque semaine et à m'encourager. Vous êtes aujourd'hui 520 personnes à suivre la Vampire Freaks sur Facebook. C'est énorme, j'aurais jamais pensé que j'y arriverais un jour. Si ça continue, on va battre la British Co, hein, c'est pas cool ça. D'ailleurs, je présente mes amitiés à Philippe. On commencera tout de suite cette émission avec Another Day, le nouveau Interdrive. C'est sur leur premier EP 5 titres, Aetherial, sorti en 2017. On retrouve Aetherial, Break the Silence, Another Day, Smile for the Picture et Sven. Allez sur la page Facebook d'Interdrive, un petit like au passage. Ils sont aussi sur Bandcamp, s'ils sont québécois, et c'est un excellent groupe. On continuera avec Dirty Mind d'Alestrom. C'est la bonus track de leur premier album Alestrom, sorti le 28 avril 2009. On retrouve It's Not You, I'm Not an Angel et Nothing to Do with Love, un album qui vieillit plutôt bien et qui est toujours bon à écouter. On continuera avec du son culte reggae What a Man Saw de Winston McAnuff. C'est sur l'album One Love, sorti en 1995. On retrouve Hypocrites and Parasites, Everyman et Jalove. On poursuivra avec une autre nouveauté. Il semblerait le nouveau Regard Oblique. C'est extrait de leur deuxième album sorti en 2017. On retrouve Bounce, Asservi, Planète des Dingues, un superbe album. Allez sur la page Facebook de Regard Oblique, un petit like au passage, et ils sont aussi sur Bandcamp. Et on finira ce bloc en live et en vinyle avec du son culte Be Quick or Be Dead de Iron Maiden. C'est sur l'album Real Live One, sorti le 22 mars 1993. On retrouve Can I Play with Madness, Wasting Love et Fear of the Dark, notamment du son culte. Yeah. sin and sin no more. Then you can forget about it. If me did know, shall be the cry. The Lord shall say, depart from me. I know who did not. There ain't no such reality as something for nothing, yeah. How can you expect to be taken out more, more than you put in? I say, white man's soul is white man real, yeah. You cannot plant corn and expect to reap peace. What a man's soul is what a man real, yeah. You can't plant corn and expect to reap peace. The wages of sin is dead on. Sinner, sin no more. Then you can forget about debt. If me did know, shall be the cry. The Lord shall say, depart from me. I know who be not. Check morning. You may end up a morning. Taking out more, more than you put in. I say, what man sow, yeah, is what man reap. You can't plant corn and expect to reap peace. What a man sow is what a man reap, yeah. You can't plant corn and expect to reap peace. Wages of sin is dead on. Sin I sin no more, then you can forget about the debt. If me did know, shall be the cry. The Lord shall say, depart from me. I know who be not. What man sow is what man reap, yeah. You cannot plant corn and expect to reap peace. Never. What man sow is what man reap, yeah. Can't plant corn and expect to reap cocoa. There ain't no such reality as something for nothing, yeah. And sin no more, then you can forget about that. If me did know, shall be the cry. The Lord shall say, depart from me. I know who be not. So what man sow is what man reap. Yeah, you cannot plant corn and expect to reap yam. What a man sow is what a man reap. Yeah, you cannot plant corn and expect to reap peace. What man sow is what man reap, yeah. You cannot plant corn, never expect to reap peace. What a man sow is what a man reap, yeah. You cannot plant corn and expect to reap pumpkin. Never, never, never, never, never, never, never, never. How could you? How could you? You must be crazy. Soit tel que nous le voyons. scène. Malgré lui, un peu banal, derrière l'enseigne, cover boy, si bien choisi. Il semblerait que ce monde soit tel que nous le voyons. Il semblerait que ce monde soit tel que nous le voyons. Porte ton costume et baisse ton froc si tu espères sortir de l'ombre. Prends les mesures de l'illusion, fais des retouches à ton baillon. Watch them make the carpet tear. Snake eyes in heaven. Ouais, vous êtes bien dans la 81e Vampire Freaks, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de commencer très fort là. Another Day, le nouveau Interdrive, Dirty Mind de Alastrum, What the Man Saw de Winston McAnuff. Il semblerait les nouveaux Regards Obliques. Allez sur la page Facebook de Regards Obliques. Et on a fini avec du culte Be Quick or Be Dead en vinyle et en live par Maiden. On continuera puisqu'on est bien lancé avec Sedus de Heads, c'est sur album 3 sorti le 6 avril 2012. On retrouve Voragine, Adonai et Proserpina. Ils ont décidé de s'arrêter, ils ont donné leur dernier concert dernièrement. Un bon groupe français qui vient de disparaître, c'est bien dommage. On continuera avec une nouveauté, Black Eyes, le nouveau Sum 41, c'est sur l'album 13 Voices, leur 7e album sorti le 7 octobre 2016. On retrouve A Murder of Crows, Fake My Own Death et There Will Be Blood, un excellent album. On continuera avec un petit son français, Little Dolls de Indochine, c'est sur l'album La République des Météores, leur 11e album sorti le 9 mars 2009. On retrouve Gorin Bogo, Junior Song et une superbe reprise de Je t'aime tant de Élie Jacquenot. Le texte féminin est dit par Nico Sirkis et le texte masculin est dit par Gwen B et Suzanne Combeau, contrairement à la version originale. Un album qui vieillit toujours bien, qui vieillit bien du moins, et toujours sympa à écouter. On continuera avec un vieux reggae, Come Outside de Judge Dredd, c'est sur l'album Bedtime Stories, sorti en 1975. On retrouve Rudeness Train de Six Wives of Dredd, et une superbe reprise de Je t'aime moi non plus de Gainsbourg, dont c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Et on finira ce bloc en live, ah oui, il y a du culte, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a du culte, avec du son culte, Flower in the Sun en live de Janis Joplin, c'est sur l'album In Concert, sorti en 1972. Alors, on trouve Summertime, Raise Your Hand, enfin bref, tous les titres de Janis en concert, ça fait toujours plaisir à entendre. Terminator! never wanted to be another one and the same. I may never fit in, but I will always remain. If only you could read my mind, if only just for one more time. You say there's nowhere to run, but I got nothing to hide. I can see through the shit, even through these black eyes. A confession of a dangerous mind. The direction to perfection is the last thing I want. And I will never give up. I don't care what you've got in mind. The truth is never hard to find. I've been trying to break the only link in the chain. I've been pleading the fifth cause I got nothing to say. A bad plan with no warning signs. A God-given reject with the passion I don't want. Cause this I say. dancing all night long. Little dog got a feeling something's wrong. Cause it ain't right to wanna keep on dancing. There won't be any time left for romancing. Come outside. Sort of. Come outside. Get lost. There's a lovely moon up there. Come outside. Cobblers. Come outside. Get soft. While we got time to spare. Little girl, I've just seen your stocking tops. One more flash and I think my flies will pop. Cause it ain't right to wanna keep on dancing. There won't be any time left for romancing. Come outside. Push off. Come outside. On your bike. There's a lovely moon up there. Come outside. Knickers. Come outside. No way. While we got time to spare. Now I went and promised your old man that we'd be in about 10:30, so come outside. You're joking. Come outside. No chance. There's a lovely moon up there. Come outside. Well, maybe. Come outside. Oh, all right. While we got time to spare. Come on. I'll tell you what, if you play your cards right tonight, you can have me and I won't charge. Flash sword, don't have bloody pay, do you? Tell you what, it's a nice moon. Yeah, I can see it shining on your bald spot. Listen, fatty, don't get personal. Your old man said we got to be in by 10:30. And we ain't in yet. You got no chance. Here, come here. Oh, bloody bucket. What'd you say? I said bucket. Oi, keep your noise down. I've got kids asleep up here. Sod off. Oh, you're so manly. I told you so. All right, I give in. You make me have it. Nah, I don't fancy you now. Bloody cheek. Bring me out here. Get the trousers covered in mud. After all that fart arsing about. Right, anyway, you walk home as well. That pig ought to give a lady a lift. Oh, you want to talk. The last time I see a figure like that, it was being milked. Go on, sod off. You pig, you wicked. I'll tell my dad that you... Mate, you bloody marry me, you wicked sod. The passion lasted for an hour, and Ah Janis, en live, qu'est-ce que c'était bon, ça fout toujours autant la chair de poule. Vous êtes toujours en 81e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Sidus de Heads, Black Eyes, le nouveau Sum 41, Little Dolls de Indochine, Come Outside de The Dread et on a fini en live avec Flower in the Sun de Janis Joplin. On poursuivra avec les voix féminines de D34542 de Blondie, c'est sur l'album Plastic Letters, son deuxième album sorti en février 78. On retrouve Formale, Youth Nabbed is a Sniper, excusez-moi, j'arrive pas à me relire, et No Imagination. On continuera avec une nouveauté, Devil Inside de Godfather, c'est sur l'album Hipster Fister, sorti en 2016. On retrouve As the Crow Cries, Rebel Ways et Hipster Fister. Ils sont en tournée mi-avril dans le nord de la France. Allez les voir, allez sur la page Facebook de Godfather. Ils ont aussi un Bandcamp. L'album est téléchargeable sur le site, mais vous pouvez leur commander. On continuera avec Again and Again de Coxparrer. C'est sur l'album True Grit, sorti en 1987. On retrouve We Love You, Running Yacht et Teenage Heart. On continuera avec un classique du reggae, Fountain of the Mountain de Dillinger. C'est sur l'album Ready, Natty Dready, sorti en 1975. On retrouve Babylon Bridge, Livy Diarra et Jamaican Collie. L'instru a été samplé en 1995 par Ragasonic et c'est devenu le titre culte original. Et on finira ce bloc en live et aussi avec du gros son culte, Rock'n'Roll Secours de Vulcain, c'est sur l'album Live Force, sorti en 1987. On retrouve Fuck the Police, Ebony et La Dame de Fer. Un album qui a pas trop mal vieilli, toujours sympa à entendre. Maybe I could drive with you. One more to market. men to a outing on Wolverton Mountain. Fua, no figure swimming at the fountain on Wolverton Mountain, yeah. Say bye, baby Bunting. Me say your mama gone to hunting. Me say she gone to get the rabbit skin to rock the baby Bunting in to the mountain. Climb on the mountain. Me say we walk on the mountain. Me say we talk on the mountain top. Me say we walk through the mountain top. Tell you about the blue mountain. Yeah. The Blue Mountain Mountain and the Drunk Crow Mountain. Tell you about the Mokko Mountain. Tell you about Diablo Mountain. If Mount Sinai is, I will tell it to you. Yeah. It's hard to believe, but it's true, baby. So ride on it, ride on it. To ride on it, to ride on it, to ride on it. Yeah. We up to Wolverton Mountain. We go swimming at the fountain. Then we went to a hotel on Wolverton Mountain. We walk, we go swimming at the fountain. Some walk to the fountain while some climb on the mountain. Some never drop off the mountain. The mongo swimming at the fountain on Wolverton Mountain. Any mountain a mountain. Till you any fountain a fountain. Till you say you buy baby Bunting. Then your mama gonna hunting. Trying to get the rabbit skin to rock the little baby Bunting in. I would tell you come on in and don't you commit no sin. I would say yeah, right on in. Come on, Wolverton Mountain and Wolverton Mountain. I would mind if I could rasta to swimming on the fountain on top of the mountain, yeah. What's we doing, all right? Roll, General Sakura! We'll be right back. La digue, la digue, les mecs, la digue. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre les dieux de la force. Vous êtes toujours dans la 81e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. On vient de se faire D342 de Blondie, Devil Inside, le nouveau Godfather. Allez sur la page Facebook de Godfather et sur Bandcamp. Again and Again de Coxparer, Fountain of the Mountain de Dillinger et Rock'n'Roll Secours de Vulcain. Putain, eux ça arrache toujours autant. On continuera avec un petit bloc. Là c'est mon petit bloc coup de cœur. On commencera avec Stop the Weeknd. Servant, le nouveau CY, c'est extrait d'un album à venir, des nouvelles très vite, ils sont sur SoundCloud, je vous ferai les liens pour télécharger les sons de CY. On continuera avec Berserkir, le nouveau Antipode, c'est toujours un album à paraître qui va sortir très très très bientôt. Et cette version n'est qu'une démo, et ils m'ont dit qu'ils allaient la retravailler en studio, des nouvelles très très vite. On poursuivra avec Insomnia, le nouveau Morsen 43. C'est le dernier morceau de Talk Cover, et oui, l'album est terminé, un détail ou deux à régler, et je l'ai dit sur Bandcamp, allez, dans la semaine là. Allez, venez sur la page Facebook de Morsen 43, allez sur le Bandcamp, les albums ils sont en téléchargement gratos. Et on continue, et viendez, ce serait super cool. On continuera avec Substance Récompense de Satan's Joker. C'est sur l'album Addiction, sorti le 28 octobre 2011. On retrouve Dealer, Dr. Vice, Effet Parano et Puzzle Cérébral. Un magnifique concept album sur les addictions, notamment à la drogue. Et on finira ce bloc en live avec John Song. C'est le nouveau Note Époque sur l'album Lune de Pirate qui est sorti fin 2016. On retrouve Souffre-Tumeur dans ce putain de monde et on nous gave. Allez sur la page Facebook de Note Époque. Ils sont aussi sur Bandcamp et YouTube. We'll be right back. 4h du mat et des poussières. Dans la maison, tout dort, sous mon crâne d'obus, c'est la guerre. Pas dormir, encore. Le sommeil m'a encore fui, le silence fait trop de bruit. Les murs dansent devant mes yeux, je vais sûrement gagner les cieux. 3 jours et 2 nuits que j'ai pas dormi, c'est par où la sortie, je voyage au bout de l'ennui. 3 jours et 2 nuits que j'ai pas dormi, c'est par où la sortie, je voyage au bout de l'ennui. Proche de la catalepsie, je ferme mes yeux à la lune, réveillé par un cri, encore ces maudites terreurs nocturnes. Le malaise m'étreint, ça ira mieux demain, enfin ça, j'en sais trop rien, même pas le goût d'ouvrir un bouquin. 3 jours et 2 nuits que j'ai pas dormi, c'est par où la sortie, je voyage au bout de l'ennui. 3 jours et 2 nuits que j'ai pas dormi, c'est par où la sortie, je voyage au bout de l'ennui. À mes côtés, toi tu rêves, et en moi, monte la fièvre. J'aimerais te réveiller, juste pour pouvoir te parler. Descente à la cuisine, un café pourra-t-il passer? Ce mal qui m'abîme, ma tête va sûrement imploser. 3 jours et 2 nuits que j'ai pas dormi, c'est par où la sortie, je voyage au bout de l'ennui. 3 jours et 2 nuits que j'ai pas dormi, c'est par où la sortie, je voyage au bout de l'ennui. Les idées emmêlées, je noircis du papier. Pour libérer mon esprit, c'est quand la fin de la nuit. Les lignes se troublent, je vois double. L'écriture comme complice, l'insomnie a ses vices.

prochaine elle s'appelle Johnson. Vous êtes toujours dans la 81e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un petit bloc coup de cœur. Stop the Wicked Servant de CY. Moi j'adore ces trucs qui partent en dubstep comme ça. Berserkir, le nouveau Antipode, et ça fout des frissons. Allez sur la page Facebook de CY Antipode et même la mienne, le Morchain 43, parce qu'on vient d'écouter Insomnia. On a continué avec Substance Récompense de Satan Joker et on a fini en live avec John Song de Notre Époque, qui est une nouveauté aussi. On poursuivra cette émission avec Xenon de Deftones, c'est le nouveau, c'est sur l'album Gone, leur 8e album sorti le 8 avril 2016. On retrouve Acid Hologram, Doom the User et Rubicon notamment, un superbe album. On continuera avec un classique, On nous cache tout, on nous dit rien, en vinyle de Jacques Dutronc, c'est sur l'album Jacques Dutronc, son premier album sorti en 1966. On retrouve les Pele Boys, les Cactus et la fille du Père Noël, entre autres. Il est en tournée avec Small Mitchell et Ake Gros Johnny. On ne l'avait pas vu sur scène depuis 1993. Et toujours la pêche, le vieux Schnock. On continuera avec Justice de The Beatdown. C'est extrait de l'album. Le titre de l'album, c'était Beatdown, sorti en 2010. On retrouve It's Alright, Mad Dog et Tell Me Why. Ils ont suspendu pour l'instant toute leur tournée. Dommage, leurs trois albums sont excellents et vivement qu'ils reviennent. On continuera avec un super bon son, Les Moustiques d'Acroma, c'est sur l'album 7, sorti en 2009. On retrouve La Peste, Les Sauterelles, L'eau change en sang. Et oui, c'est un magnifique concept album sur les 10 plaies d'Égypte. Ils vont sortir un album mi-mai, mi-avril. Je dois le recevoir. Il s'appelle Apocalypse Requiem. Et donc, ça bouclera le triptyque entre 7 S-E-T-H et 7 S-E-P-T. Et donc, celui-là. Et allez sur la page Facebook de Acroma. Ils sont sur toutes les plateformes légales. Allez sur la page Facebook, c'est très très important, ils sont très très bons. Et on finira ce bloc en live avec Indios de Barcelona, c'est sur l'album Hell of Pachinko, sorti le 16 novembre 1992. On retrouve Magic Down, Dice, Country Live, King Kong's 5, enfin tout Mano en live. Yeah. Justice. Yeah. On vient de s'écouter Xenon, le nouveau Deftones. On nous cache tout, on nous dit rien, en vinyle. Ça craque, ça croustille de Jacques Dutronc. Justice de Beatdown, les moustiques de Acroma. Et on a fini ce bloc en live avec Indios de Barcelona en live. Et oui, cette émission touche malheureusement à sa fin. Mais je voulais vous laisser un petit message. Avec mon ami Will PMR et mon excellent ami Bernard de Spirit Web Radio, on a créé une radio 100% artiste indépendant qui s'appelle Indé Spirit. Je vous filerai les liens sur la page Facebook de l'émission, parce que cette émission, la Vampire Freaks, va arriver avec d'autres émissions comme le PMR et d'autres. Et du coup, si vous voulez nous suivre dans cette aventure, bah, vous serez les bienvenus. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Mais on finira cette émission en live avec Electric Fies de UFO. C'est sur l'album Light Out, sorti en mai 77. On retrouve It's Too Hard to Handle, Try Me et Love to Love. Un album toujours agréable à réentendre, du son culte. Donc comme je le disais, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu Electric Face. Wonder why I can hear you coming with the rush and the strumming. Those electric face in no teenage craze. In your house that phone is ringing with the hot touch that keeps swinging. You said nothing's easy. Thank you very much. Thank you. This is one of our go-go dancers. He'll be wearing an outfit later on. Probably excite you to death. Well, I like my own joke. We're going to play something off the... Bullshit album. I'm waiting for the energy to come back. It's all right. It'll happen in a minute. This kid's...